Chapitre 33e. Le Niagara. Arrivé à Forsyther. Première vue de la cataracte. Île de la Chèvre. Les Rapides. Buffalo. Lac Eric Canandaigua. Aventure en diligence. Enfin, nous arrivâmes au Niagara. C'était le plus beau jour qu'on pût voir au mois de juin. Mais j'aurais trouvé presque aussi beau tout autre jour qui m'aurait conduite près de l'objet que je mourais d'envie d'apercevoir depuis des années. Nous n'entendîmes le bruit de la cataracte que lorsque nous fûmes très près de l'hôtel qui la domine. Après y être entrés, vous voyez au-delà du vestibule un espace ouvert, entouré de galeries placées l'une au-dessus de l'autre, et en un instant, vous sentez que de cet endroit la merveille est visible. Je tremblais comme une folle, et mes filles se serraient contre moi, tremblant aussi, je crois, mais le visage rayonnant de plaisir. Nous rencontrâmes un garçon qui se prit d'une sorte d'affection pour nous, car il ne nous laissa pas traverser le vestibule pour entrer dans la première galerie, mais il nous fit monter un escalier, et un autre instant me plaça dans un lieu d'où je vis d'un seul regard tout ce qui avait été l'objet de mes désirs, de mes espérances et de mes rêves. Ce n'est pas à moi d'essayer de faire la description du Niagara, je sens que mes moyens n'y suffisent pas. Après avoir eu longtemps les yeux fixés sur ce spectacle, nous descendîmes de la galerie pour nous en approcher de plus près. En sortant de la maison, nous eûmes la bonne fortune de rencontrer un Anglais dont nous avions fait la connaissance à New York. Il nous avait précédés de quelques jours au Niagara et il savait parfaitement où il fallait nous conduire. S'il est un homme sur la terre qui puisse décrire la scène que nous contemplâmes, c'est lui, et j'espère qu'il le fera. Quant à moi, tout ce que je puis dire, c'est que je fus complètement accablé par la surprise, la terreur et l'enchantement. Je versai des larmes avec un singulier mélange de plaisir et de peine, et certainement je fus quelque temps trop violemment affecté au physique pour être en état d'éprouver beaucoup de plaisir. Mais quand cette émotion des sens se fut calmée, et que j'eus recouvré quelques degrés de sang-froid, ma jouissance fut véritablement délicieuse. Dire que je ne fus pas trompé dans mon attente, ce serait une expression bien faible pour peindre la surprise que produisit en moi une scène qui avait été si longtemps l'objet de mes rêves. Elle me présente quelque chose de plus vaste qu'elle-même, un mystère couvert d'une ombre que ni l'œil, ni même l'imagination ne peuvent pénétrer. Mais je n'ose appuyer sur ce sujet, il est trop dangereux, et toute tentative pour décrire les sensations qu'il fait naître doit conduire directement à l'opposé du bon sens. Exactement en face de la cataracte, c'est la cataracte, et rien que la cataracte que vous avez à contempler. Il ne s'y trouve pas, comme à Trenton, d'énormes rochers et des forêts qui les couronnent. Il n'y a que la cataracte, mais c'est la chute d'un océan. Et quand Pélion serait entassé sur Ossa de chaque côté, vous ne pourriez y jeter les yeux. Le bruit est beaucoup moindre que je ne m'y attendais. On peut entendre très distinctement tout ce qui est prononcé d'un ton ordinaire, même tout près de la cataracte. La cause en est, à ce que je crois, que l'eau ne tombe pas immédiatement sur des rochers, comme celle du Potomac bien plus bruyant, mais qu'elle se précipite en ligne directe, qui n'est rompue que par son propre rejaillissement. L'eau, avant que l'écume et les vapeurs produites par ce rejaillissement en cachent la couleur, est du vert le plus brillant et le plus délicat. La violence de l'impulsion la chasse bien loin au-delà de la hauteur d'où elle tombe, et elle forme ainsi une sorte de transparent au travers duquel les effets sans cesse variés de lumière sont, je crois, la plus belle chose que j'ai jamais vue. Nous descendîmes au bord du gouffre qui reçoit le torrent, et de là nous regardâmes de profil la chute d'eau en fer à cheval. Je crois que le point dont il est impossible à ceux qui ne l'ont pas vu de se former une idée est le centre du fer à cheval. C'est le point de convergence de toute la force du torrent, et tandis que cette lourde masse d'eau se précipite, en faisant cent évolutions, elle offre une image de pouvoir irrésistible que nul autre objet ne m'avait jamais présentée. L'anecdote suivante, que je tiens de bonne part, peut donner quelque idée de cette force terrible. Après notre dernière guerre en Amérique, trois de nos vaisseaux stationnés sur le lac Erie furent déclarés hors d'état de service et condamnés. Quelques-uns de leurs officiers obtinrent la permission de les lancer par-dessus la cataracte. Le premier fut brisé et mis en pièces à l'instant. Le second se remplit d'eau et coula à fond avant d'arriver à la cataracte. Le troisième, qui était en meilleur état, fit galamment le saut et conserva sa forme jusqu'à ce qu'on l'eût perdu de vue au milieu du nuage de vapeur. On avait promis une récompense de 10 $ pour le plus gros fragment de bois qu'on pourrait retrouver des bâtiments naufragés, 5 pour le second et ainsi de suite. On n'en retrouva jamais qu'un seul débris, il n'avait qu'un pied de longueur, semblait avoir été pressé dans un écrou et avait ses bords en forme de scie. Qu'était devenue l'immense quantité de bois précipité dans l'abîme? Quel tourbillon inconnu l'avait engouffré pour qu'en dépit des lois de la nature, nul reste du bâtiment qui avait flotté sur les eaux n'eût pu revenir sur leur surface? Au-delà de la cataracte en fer à cheval est l'île de la Chèvre, et au-delà de l'île de la Chèvre est la cataracte américaine. Elle est droite, perpendiculaire, et les rochers qu'elle rencontre lui donnent la blancheur de la neige. Mais il s'en faut de beaucoup qu'elle ait la beauté sublime et imposante du merveilleux croissant qui est sur l'autre rive. Là, la forme du gouffre immense qui reçoit les eaux du déluge, les 100 torrents argentés qui se rassemblent sur le bord pour se précipiter, le mouvement régulier de l'eau qui roule sur le rocher, les émeraudes liquides qu'offre à la vue une longue chute que rien n'interrompt, les guirlandes fantastiques qui s'élancent à leur rencontre, et enfin, le nuage de vapeur qui voile les horreurs du fond de l'abîme, forment une scène dont les traits sont presque trop prodigieux pour que l'homme puisse la contempler. Les anges pourraient trembler en la regardant, et il faudrait avoir les nerfs, je ne dirais pas bien forts, mais bien obtus, pour qu'ils ne fussent pas travaillés à la première vue de cette merveilleuse cataracte. Des détails minutieux ne peuvent intéresser ceux qui n'ont pas éprouvé l'influence pénible ou agréable des circonstances qu'ils retracent. Je ne parlerai donc pas des degrés effrayants par lesquels on monte jusqu'au bord même du torrent, ni des plateformes de roches, brisées ou se brisant, et sur lesquelles il faut, tout en frémissant si bon vous semble, que vous vous placiez si vous ne voulez vous perdre de réputation comme voyageur. Nous accomplîmes plus d'une fois tous ces hauts faits dès le premier jour de notre arrivée, et j'étais cruellement fatigué quand la journée fut finie, quoique je n'eusse pas voulu en perdre le souvenir pour ajouter à mon existence bien des jours filés de soie et de plaisir. Le lendemain, à 4 heures du matin, j'étais encore au petit Shanty, qui semble s'élever dans l'eau, plutôt que dans l'air, près de la cataracte en fer à cheval, et j'y pris une espèce de douche de vapeur. Ces vapeurs lourdes cachent beaucoup de beauté à cette heure de la matinée, mais il y avait un charme dans l'obscurité même, et à chaque instant, à mesure que la clarté augmentait, les nuages fuyaient l'un après l'autre, et l'immense merveille se montra de nouveau à mes yeux. C'est dans l'après-midi que l'arc-en-ciel est visible de la rive britannique, et c'est un des traits de beauté de ce grand paysage. Les bouts de l'arc reposent sur les deux cataractes, et ils semblent former un pont construit par les fées. Après le déjeuner, nous passâmes sur la rive qui borde les États-Unis et nous visitâmes l'île de la Chèvre. La traversée du Niagara, précisément en face des cataractes, est une des plus délicieuses excursions qu'on puisse se figurer. La barque passe à si peu de distance que les vapeurs causées par le rejaillissement de l'eau s'y font sentir. Une sûreté réelle et une apparence de danger contribuent également au plaisir qu'on éprouve. La rivière a en cet endroit 200 pieds de profondeur. Le passage, en remontant vers le rocher, vous conduit très près de la cataracte qui est sur la rive des États-Unis. C'est une vaste nappe d'eau, sublime par son étendue et par le fracas qu'elle produit, mais elle n'a pas le caractère magique de sa rivale. De tous les points de l'île de la Chèvre, on a une belle vue des cataractes. L'impétuosité furieuse avec laquelle elle se précipite vers l'abîme inspire la terreur, et le pont qu'on a jeté par-dessus est un ouvrage aussi noble que hardi. Au-dessous des cataractes, la rivière coule entre d'énormes rochers couronnés de forêts éternelles. Cette scène forme un contraste frappant avec les rives basses qui la bordent au-dessus. Il semblerait que le niveau de la rivière a été rompu par quelque force volcanique. Le Niagara sort du lac Erie, il est large et profond, mais pendant plusieurs milles son cours est tranquille, et ses rives sont parfaitement nivelées. Peu à peu son lit commence à s'enfoncer, et son cristal paisible est troublé par un léger bouillonnement. Les arbres qui reposaient si doucement sur son sein changent de position, deviennent contournés, perdent leur forme, comme par suite d'une torture, et semblent prendre part à la fureur du tumulte qui les détruit. Le courant devient plus rapide à chaque pas, et enfin les rochers amoncelés excitent le courroux de la rivière, et ses eaux vertes se couvrent d'une écume blanche. Elle coule ainsi pendant 1 mille, et alors elle tombe tout à coup de la hauteur de 150 pieds, et vomit un immense déluge. Dieu dit que la cataracte soit, et la cataracte fut. Quand la rivière a atteint un autre niveau, les hauteurs des deux côtés offrent un mur de roc flanquant un abîme. Quelques belles plantes s'attachent aux rochers, et le chêne, le frêne et le cèdre, en plusieurs endroits, en revêtent les terrains d'un riche feuillage. Cette transition violente de rive unie à un profond ravin semble indiquer quelques grandes convulsions de la nature. Et lorsque j'entendis parler d'une source d'eau bouillante qui en est voisine, je me figurais que le pouvoir volcanique est encore en travail et que les merveilles de cette contrée pouvaient encore s'accroître. Nous passâmes 4 journées délicieuses d'enthousiasme et de fatigue. Nous fûmes baignés par l'eau qui rejaillissait en vapeur. Les rochers nous déchirèrent les pieds, le soleil nous basana le visage. Nous regardâmes la cataracte d'en haut et d'en bas. Nous nous perchâmes sur toutes les élévations que nous pûmes trouver. Nous trempâmes nos doigts dans la rivière à quelques toises de sa chute effrayante. En un mot, nous tâchâmes de remplir du Niagara toutes les cases de notre mémoire, et je crois qu'il nous sera toujours possible de nous rappeler ces images. Nous rencontrâmes dans nos promenades plusieurs groupes de voyageurs, la plupart américains, mais ils ne donnaient que peu d'attention aux merveilles qui les entouraient, du moins à ce qu'il nous parut. Un jour, nous étions assis près du bac sur une pointe de rocher qui commande les deux cataractes, et c'est, soit dit en passant, l'endroit qui présente la plus belle vue de l'ensemble de cette scène. Une personne de notre société cherchait à esquisser ce dont je regarde comme impossible au pinceau de donner une idée à ceux qui ne l'ont pas vu. Nous avions emprunté 2 ou 3 chaises dans une chaumière voisine, et nous avions rassemblé une quantité de branches dont, à l'aide de châles et de parasols, nous avions fait un abri contre le soleil du midi, de sorte que je ne doute pas que nous n'eussions l'air d'être au frais et fort à notre aise. Une compagnie nombreuse qui avait traversé la rivière en arrivant du côté des États-Unis gravissait la montée escarpée en venant de l'endroit où elle avait quitté le bac. En montant ainsi, tous avaient le dos tourné vers la cataracte, et en s'approchant du sommet, notre société était le principal objet qu'ils avaient en vue. Ils s'arrêtèrent pour nous regarder. Ce premier examen se fit à environ 6 toises de l'endroit que nous occupions, et il dura à peu près 5 minutes. Pendant ce temps, ils reprirent haleine et s'armèrent de courage. Ils s'avancèrent alors encore, et une couple d'entre eux se mirent à examiner, à l'envers, l'ouvrage de celui qui esquissait. En agissant ainsi, ils étaient précisément entre lui et l'objet qu'il dessinait, mais je crois probable qu'il n'y faisait pas attention. Quelques-uns commencèrent alors à nous questionner. Y avait-il longtemps que nous étions à la cataracte? S'y trouvait-il compagnie nombreuse? Ne venions-nous pas du vieux pays, etc. Nous apprîmes en retour qu'ils venaient seulement d'arriver, et cependant aucun d'eux, ils étaient 8, n'avait encore tourné la tête pour regarder le spectacle le plus étonnant que la nature puisse avoir à montrer. La compagnie qui se trouvait à l'hôtel changeait presque tous les jours. Beaucoup de sociétés arrivaient le matin, allaient voir la cataracte, revenaient à l'hôtel pour dîner et repartaient aussitôt après par la diligence. Bien des groupes avaient un air et des manières si étranges qu'il serait impossible de les décrire. De temps en temps, un dandy de la première volée se montrait parmi nous comme une étoile qui file. Un jour que nous étions dans la belle galerie derrière l'hôtel qui domine la cataracte en fer à cheval, nous vîmes les jambes bottées d'un individu de cette race pleine de grâce sortir de la fenêtre qui commande cette vue, tandis qu'il avait le dos appuyé sur sa chaise et la tête entourée d'un nuage de fumée de tabac. Quand il m'est arrivé de rencontrer, dans les scènes les plus imposantes et les plus agrestes de notre propre pays, quelques-uns de ces ultra-élégants, j'ai souvent remarqué qu'ils secouent alors en grande partie leurs beaux airs de ville, comme s'ils eussent été honteux de faire parade de leur folie devant le dieu de la nature, dans des lieux où tout rappelait si fortement sa présence. Et plus d'une fois, en ces occasions, j'étais surprise de voir combien l'intelligence était cachée sous le vain masque de la mode. Mais en Amérique, l'effet d'un beau paysage sur cette classe d'individus est tout différent, car c'est précisément alors qu'on peut observer, parmi les jeunes merveilleux du monde occidental, les plus grands efforts pour affecter une nonchalance élégante. Il est vrai qu'ils trouvent peu d'occasion de déployer leur grâce dans la routine journalière de l'activité commerciale dans laquelle ils passent leur vie, et cette circonstance explique d'une manière satisfaisante le fait que je viens d'énoncer. Heureusement pour notre jouissance, ces dignes personnages n'interrompirent pas longtemps le caractère solennel de cette scène. Quiconque arrive à l'hôtel de Forsyth, à l'exception de Mrs. Bogle Corbett, se rend au shanty, inscrit son nom sur un registre qu'on y tient et, en général, descend par l'escalier en spirale conduisant de la petite plateforme qui est par devant jusqu'au bas des rochers. Là se trouve un autre shanty qui n'est qu'à quelques toises de cette caverne merveilleuse, fermée d'une part par le déluge qui tombe et de l'autre par l'énorme rocher sur lequel l'eau se précipite. Presque tous les voyageurs et même un grand nombre de belles dames vont chercher ce frêle abri contre le tumulte de la cataracte qui étourdit et le rejaillissement de l'eau qui aveugle. Mais j'en ai vu souvent manquer de courage pour achever l'entreprise et s'en retourner bien mouillé sur l'escalier protecteur, nous laissant en pleine possession d'une scène que nous avions tant de plaisir à contempler. Combien doit être futile toute tentative pour décrire cet endroit? Combien doivent être vains tous les efforts pour donner une idée des sensations qu'il procure? Pourquoi goûte-t-on un plaisir si délicieux à rester des heures entières mouillé par l'eau qui rejaillit de la cataracte et étourdi par son tumulte continuel, tremblant du choc qui ébranle le roc sur lequel on a les pieds appuyés et respirant péniblement dans l'atmosphère humide qui semble contenir moins d'air que d'eau? C'est pourtant un plaisir, et je crois presque le plus grand dont j'ai jamais joui. Nous approchâmes plusieurs fois de l'entrée de cette caverne effrayante, mais je n'y entrai jamais tout à fait, quoique deux ou trois de mes compagnons en aient eu le courage. Je perdais entièrement haleine, et j'éprouvais à la poitrine une douleur si cruelle que toute ma curiosité ne pouvait me donner la force de la supporter. Qu'était cette caverne des vents dont parlent les anciens comparée à celle-ci? L'esprit qui règne est plus puissant qu'Éole. Ce n'était pas seulement dans ce lieu redoutable et dangereux que nous nous trouvions seuls. La compagnie qui logeait à l'hôtel prenait toujours le même chemin pour se rendre au shanty où se trouve le registre des noms. Ce chemin, à partir de la porte du jardin de l'hôtel, circulait autour du rocher escarpé et à force d'y tourner, devenait moins pénible. Mais il s'en fallait de beaucoup que ce fût le meilleur pour ménager avec avantage les plaisirs de l'étranger qui s'approchait de la cataracte. Cependant, tous les autres nous étaient abandonnés exclusivement. Pendant notre séjour au Niagara, nous vîmes le commencement d'un autre escalier que l'on construisait. Il n'en est qu'à quelques toises, et je ne crois pas qu'il puisse contribuer à rendre la descente plus commode. L'érection du noyau de cet escalier en spirale était une opération effrayante, et la tête me tournait en y voyant travailler. Lorsqu'il eut été rendu bien solide par le pied, les charpentiers descendaient des rochers par le moyen de cordes et se plaçaient, jambes de ça, jambes de là, sur les poutres qui le traversaient, au milieu du vacarme et du rejaillissement de l'eau. Il me sembla que je n'avais jamais vu mettre ainsi en danger la vie des hommes, de propos délibérés. Cependant, les travaux se continuèrent sans accident, et l'ouvrage était presque terminé quand nous quittâmes l'hôtel. Ce fut une sorte d'angoisse que de jeter sur la cataracte du Niagara le coup d'œil que nous savions devoir être le dernier. Mais nous eûmes à le faire, comme le disent les Américains, et nous partîmes le 10 juin pour Buffalo. La route du Niagara, au-dessus de la cataracte, est aussi belle que peut le permettre une rivière limpide ayant un mille de largeur, et elle continue à en suivre les rives jusqu'au bac de Black Rock. Nous saluâmes, presque avec des acclamations, le pavillon anglais que nous vîmes pour la première fois arboré à bord du joli sloop du Commodore Barry, le Butt Dog, près duquel nous passâmes, tandis qu'il remontait la rivière à la toux pour se rendre dans le lac Erie, le Commodore allant faire le tour des lacs. À Black Rock, nous traversâmes de nouveau le Niagara pour entrer dans les États-Unis et quelques milles de chaos horribles nous conduisirent à Buffalo. De toutes les mille et une villes que j'ai vues en Amérique, je crois que Buffalo est celle qui a l'air le plus étrange. Elle n'a pas tout à fait le caractère sauvage de Lockport. Mais tous les bâtiments semblent avoir été construits à la hâte, quoique tout y ait un air de grande prétention. On y voit des portiques, des colonnes, des dômes, des colonnades, mais tout est en bois. Chacun vous y dit, comme dans toutes les autres villes sortant de la coquille, que l'amélioration y fait des progrès rapides, et plus merveilleux que la terre ne l'avait jamais vu auparavant, et chacun le croit. Quant à moi, ma seule surprise est qu'il puisse se trouver tant de milliers et même de millions de personnes qui, dans le XIXe siècle, puissent se contenter de vivre ainsi. Sûrement, on peut dire que ce pays s'étend plutôt qu'il ne s'élève. L'hôtel de l'Aigle, immense bâtiment en bois, a toutes les prétentions d'un établissement splendide. Mais ses corridors monstrueux, ses plafonds bas et ses appartements mal distribués m'ont donné l'idée d'une catacombe plutôt que d'une maison. Nous y arrivâmes lorsque le thé était déjà pris à la table d'hôte, et nous soupâmes assez agréablement avec un compagnon de voyage qui nous avait accompagnés depuis Niagara. Mais le lendemain matin, nous déjeunâmes dans une chambre longue, basse et étroite avec une centaine de personnes, et l'on ne peut rien imaginer qui soit moins confortable. Quel motif peut porter tant de citoyens doués d'intelligence à préférer ces longues tables silencieuses, couvertes avec économie de foie, de poisson salé et de tranches de jambon frites, aux morceaux de pain qu'ils pourraient manger plus agréablement chez eux avec leurs femmes et leurs enfants? Combien n'aimerais-je pas mieux prendre chaque jour mes repas en famille dans le wigwam d'un Indien que de m'asseoir à table d'hôte dans ces immenses hôtels? Cette coutume semble pourtant universelle dans tout le pays. Du moins, nous l'avons vu pratiquer, invariablement, depuis la Nouvelle-Orléans jusqu'à Buffalo. Le lac Erie n'a pas de beauté pour mes yeux. Ce n'est pas la mer, et ce n'est point un fleuve. Ses rives n'offrent pas les charmes pittoresques qu'on trouve en général autour de plus petits lacs. Le seul intérêt qu'eut pour moi sa vaste mais insignifiante étendue fut de me rappeler que ses eaux, si calmes et si tranquilles dans cet endroit, étaient destinées à se précipiter dans le gouffre du Niagara. Une route effroyable, à travers des forêts qu'on a seulement commencé à abattre, nous conduisit à Avon. C'est une petite et laide ville composée de maisons éparses, et aucune de leurs Rome, Carthage, Ithaque ou Athènes ne me causa jamais autant de dépit par son nom. Il ne coule dans cet Avon que du whisky et du jus de tabac. La journée du lendemain fut beaucoup plus intéressante, car elle nous fit voir le lac de Canandaigua. Il a environ 18 milles de longueur, mais il est assez étroit pour laisser apercevoir la rive opposée, revêtue d'un riche feuillage. L'arrière-plan est une chaîne de montagnes. L'état de l'atmosphère prêtait peut-être à cette scène un charme inusité. Un de ces orages soudains, qui s'approchent si rapidement, et dont le coloris est si sombre qu'il change en un moment l'aspect de toute la nature, s'éleva au-dessus des montagnes et traversa le lac pendant que nous le regardions. Un autre trait de cette scène y prêtait de la vie, mais en y joignant un intérêt mélancolique. Un hôtel construit en bois, mais aussi beau, aussi brillant qu'avaient pu le faire la peinture et les colonnes, domine sur le lac, et l'on voit à côté un appentis pour les bestiaux. Sous cet appentis, et tout près du palais de l'homme blanc, deux Indiens s'étaient retirés pour chercher un abri contre l'orage. L'un était un vieillard, dont la tête vénérable indiquait par son attitude et son expression la plus profonde mélancolie. Le second était un jeune homme, et il y avait dans ses yeux, profondément enfoncé, une tristesse calme qui était encore plus touchante. Ils étaient là, ces maîtres naturels et légitimes de ce beau pays, regardant le beau lac qui portait encore le nom que leur père lui avait donné et le nuage menaçant qui le couvrait. Un orage plus terrible avait déjà éclaté sur eux. Quoique j'aie commencé par parler du lac, la petite ville de Canandaigua le précède en venant du côté de l'Occident et elle est des plus jolies. Chaque maison est entourée d'un assez grand jardin, et dans cette maison des fleurs, toutes les maisons étaient à demi cachées sous les roses. Il est vrai que ces maisons sont de bois, mais elles sont si bien peintes, si parfaitement entretenues, et elles se montrent avec tant d'avantages au milieu du feuillage qui les enchâsse, qu'il est impossible de ne pas les admirer. À 46 milles plus loin, on trouve Genève, agréablement située sur le lac Sénéca. Ce lac est aussi une belle nappe d'eau, et je crois que la ville peut le disputer en beauté à celle qui porte le même nom en Europe. Nous passâmes la nuit à Auburn, ville célèbre par sa prison, et où prit naissance le régime adopté avec tant de succès pour les prisons d'Amérique. Les églises ne manquent point dans cette partie du pays. Chaque petit village a son temple de bois, et plusieurs en ont deux, afin de prévenir toute dissension entre les méthodistes et les presbytériens. Nous traversâmes une réserve indienne, et l'âche a encore respecté les forêts qui sont des deux côtés de la route. Nous rencontrâmes plusieurs groupes d'Indiens, et nous remarquâmes qu'ils étaient plus propres et mieux vêtus que ceux que nous avions vus errant loin de leur domicile. Les couvertures dont ils se servent avec tant de grâce comme de manteaux étaient blanches comme la neige. Le pied d'un des chevaux s'étant déferré, nous profitâmes de cet accident pour sortir de la diligence et nous approchâmes d'une troupe d'Indiens assez nombreuse, composée d'hommes, de femmes et d'enfants. Ils étaient à se régaler, je ne sais de quoi, mais une partie de leur repas consistait en lait. Ils ne pouvaient nous parler, mais ils nous accueillirent en souriant, et ils parurent nous comprendre quand nous leur demandâmes s'ils avaient des mocassins à vendre, car ils secouèrent leurs chevelures noires et nous répondirent non. On nous montra un beau bosquet d'arbres à beurre, comme étant le lieu où les chefs des six nations avaient coutume de tenir leur sénat. Celui qui nous parlait ainsi nous dit qu'il avait assisté à plusieurs de leurs assemblées, et quoiqu'il connût peu leur langage, la force de leur éloquence était évidente d'après l'effet qu'elle produisait sur les auditeurs. Vers la fin de la journée, il nous arriva une aventure qui fit renaître nos doutes que les hommes blancs, en envahissant les forêts d'Amérique et en chassant les pauvres Indiens, eussent beaucoup contribué à civiliser le pays. Quant à moi, je préfère les manières indigènes aux exotiques. La diligence s'arrêta pour prendre une dame à Vernon. La dame y monta et remplit complètement le dernier pouce de vide qui y restait, car nous étions 8 auparavant. Dès qu'elle fut assise, son attentif s'avança avec une énorme boîte à chapeau en bois. Il s'arrêta un instant pour réfléchir sur les moyens de la faire entrer, leva la boîte comme pour la placer sur nos genoux, la baissa comme pour la mettre sur nos pieds. L'un et l'autre semblaient impraticables. Enfin, en vrai style Yankee, il dit à un de nos compagnons de voyage « Si vous vouliez descendre un instant, je compte que je trouverai place pour la boîte. » « Cela peut être, mais comment trouverai-je place ensuite pour moi-même ?» Ces mots furent prononcés avec un accent européen, et sur le champ une demi-douzaine de buveurs de whisky sortirent du cabaret où ils étaient boire et prirent le parti de l'attentif. « C'est parce que vous êtes des voyageurs anglais, je suppose, » dit l'un d'eux. « Mais nous avons voyagé dans de meilleurs pays que l'Europe. Nous avons voyagé en Amérique, et je calcule que la boîte peut entrer. » Nous fîmes des remontrances sur l'injustice évidente de ce procédé, et je me hasardai à dire que, puisqu'aucun de nous n'avait de bagages dans la diligence parce qu'il s'y trouvait si peu de place, je pensais qu'une voyageuse qui y entrait par hasard n'avait pas le droit de nous mettre ainsi à la gêne. « Le droit. Les y voilà. C'est leur manière. Cela peut être bon en Europe. C'est de la tyrannie anglaise. N'est-il pas vrai ? Mais cela ne réussira pas ici. » Et il commença à pousser de toutes ses forces la boîte de bois contre nos jambes. « Aucune loi, monsieur, ne peut permettre une telle conduite. Loi ?» s'écria un individu complètement ivre. « Nous faisons nos lois et nous nous gouvernons nous-mêmes. Loi ?» répéta un autre bâtiment de Vernon. « Nous sommes dans un pays libre. Nous n'avons pas de loi ici et nous n'avons pas besoin d'une autorité étrangère pour nous tyranniser. » Je cite les paroles très exactement. Cependant, il est juste de faire observer qu'il était évident qu'ils avaient tous bu plus que de coutume, et il est possible que la vérité se trouve dans le whisky comme dans le vin. Quoi qu'il en soit, les habitants de ce paradis occidental imitent les gentils en ce qu'ils sont la loi pour eux-mêmes. Pendant cette contestation, le cocher restait sur son siège sans dire un seul mot et semblait s'amuser beaucoup de cet incident. Cependant, la question fut décidée en notre faveur pour la nature des matériaux qui composent le corps humain et qui ne peuvent supporter qu'à un certain degré de pression. Pendant une grande partie de cette journée, nous eûmes la bonne fortune d'avoir pour compagnon de voyage un Américain et sa fille, qui étaient extrêmement aimables. Mais je me mis presque moi-même dans la nasse, en hasardant une remarque sur une phrase que le père prononça et que j'avais entendue dans toutes les bouches depuis l'instant que j'étais arrivé dans ce pays. Nous parlions de peinture, et j'avais fait tous mes efforts pour suivre la règle que je m'étais imposée. de dire peu de choses quand je ne pouvais rien dire d'agréable. Enfin, il nomma un peintre américain dont je connaissais parfaitement les ouvrages, et après l'avoir déclaré égal à Lawrence, dont il jugeait par son portrait de West, qui est à présent à New York, il ajouta « Et ce qui est encore plus, madame, c'est qu'il n'a jamais eu d'autre maître que lui-même. » Je pris prudemment quelques moments pour lui répondre, car je ne pouvais digérer la comparaison entre un misérable barbouilleur et notre immortel Lawrence. Il m'était impossible de dire amen. Je gardai donc le silence quelques instants. Mais enfin, je me hasardai à dire que j'avais souvent entendu parler de personnes qui n'avaient eu d'autre maître qu'elles-mêmes, mais qu'on employait cette phrase comme une excuse et non comme un éloge positif. « Eh bien, madame, peut-on en faire un plus grand ?»« Certainement non. » si l'on parle du mérite personnel d'un individu n'ayant pas eu de moyens d'instruction. Mais je ne comprends pas cette manière de parler appliquée à ses ouvrages. Vous ne la comprenez pas, madame? N'est-ce pas attribuer du génie à l'auteur, et qu'est-ce que l'instruction auprès du génie? Je ne veux pas répéter tout ce que je dis à la louange de l'étude et sur les désavantages d'une profonde ignorance, mais je voudrais, s'il m'était possible, faire concevoir l'indignation mêlée de mépris qu'exprima notre compagnon de voyage à l'idée que l'étude était nécessaire pour former le goût et développer le génie. Il termina pourtant enfin la discussion en disant « Il est inutile de discuter une question qui est déjà décidée, madame. Les meilleurs juges déclarent que les portraits de M. H. valent ceux de Lawrence. Et qui a rendu ce jugement, monsieur? Les hommes de goût d'Amérique, madame. » Je lui demandais s'il croyait que nous aurions de la pluie. Les diligences ne paraissent pas avoir d'endroit où elles s'arrêtent régulièrement pour le déjeuner, le dîner et le souper. Ces interludes indispensables, se faisant en impromptu, étaient donc du dernier mauvais. Nous nous amusions de la patience avec laquelle nos compagnons de voyage américains mangeaient ce qui leur était servi sans faire la moindre plainte, ni le moindre effort pour obtenir quelque chose de mieux. Mais du moment qu'ils étaient remontés en voiture, les plaintes commençaient. C'était une honte, c'était un vol, c'était empoisonner les gens, etc. Je leur demandai enfin pourquoi ils ne s'étaient pas plaints auparavant. « Madame, me répondit-on, c'est parce qu'aucun Américain, homme ou femme, tenant auberge, ne souffrira qu'on lui fasse un reproche. » Nous arrivâmes à Utica fort tard et un peu fatigués. Mais les délices d'un bon hôtel et d'une civilité parfaite firent que nous nous couchâmes de bonne humeur et nous nous levâmes le lendemain suffisamment délaissés pour jouir d'une journée de voyage à travers les plus jolis paysages que le monde puisse offrir. Qui a dit que l'Amérique n'est pas pittoresque? Je l'ai oublié, mais à coup sûr, cet homme-là n'a jamais été d'Utica à Albany. Je ne puis réellement me figurer un pays qui, pendant un voyage de 96 000, puisse offrir plus de beauté et de variété. La route qui suit la rivière de Mohawk, qui coule tantôt dans des champs, qui était alors chargée de belles moissons, tantôt dans des bois ou entre des rochers. Ailleurs, des collines à pente douce, couvertes de bestiaux, sont séparées les unes des autres par des pics qui s'élèvent à 500 pieds de hauteur, et les petites cascades ont un caractère de beauté aussi singulier que frappant. Le Mohawk, comme je l'ai remarqué de plusieurs autres rivières d'Amérique, paraît ici couler sur un lit beaucoup plus étroit que celui qu'il occupait autrefois, et l'espace qu'il semble avoir couvert offre maintenant aux yeux un herbage d'un vert brillant, du milieu duquel s'élèvent subitement par intervalles des masses de rochers couronnés de toutes les espèces d'arbres qui peuvent se contenter de la maigre nourriture qu'un roc peut leur fournir. Des chênes nains, des cèdres et des sorbiers se groupent de 100 manières différentes. Chaque bouquet d'arbres que vous regardez vous paraît plus charmant que celui qui en est voisin. Jamais je n'ai vu un endroit si agréablement sauvage. Je fus surprise d'entendre un de nos compagnons de voyage dire, comme nous traversions un endroit d'une beauté particulière, « Tous ces environs appartiennent ou appartenaient à M. Edward Ellice, anglais, membre du Parlement, mais il en a vendu une grande partie et vous voyez déjà, madame, que l'amélioration commence. » Et en parlant ainsi, il me montrait un grand bâtiment en bois, peint en blanc, sur lequel on lisait en lettres de 3 pieds de hauteur, « Ici on achète les haillons. » Je me souvins alors que c'était près de cet endroit que mon Yankee s'était plaint de l'indifférence d'un Anglais à tirer parti d'un cours d'eau qui pouvait être profitable. Il n'avait pas nommé M. Edward Elias, mais c'était sans contredit l'Anglais qui n'avait aucune idée d'amélioration. J'ai souvent avoué combien je me sens incapable de faire des descriptions, mais je dois encore le répéter ici pour m'excuser de passer si rapidement sur cette incomparable vallée du Mohawk. Je voudrais que quelque artiste anglais, doué de l'esprit entreprenant de la jeunesse, voulût me croire sur parole et aller faire un pèlerinage d'été dans l'État de New York. Très sérieusement, ce serait agir fort sagement, car je doute que le monde entier puisse fournir, dans un espace semblable, tant de sujets pour son pinceau, avec tant de facilité d'en approcher, montagnes, forêts, rochers, lacs, rivières, cataractes, et tout en perfection. Mais il faut qu'il soit hardi comme un lion dans son coloris, où il n'en tirera aucun parti. Il y a une splendeur d'atmosphère, une force de chiara oscuro, une masse de feuillage, qui doit faire un coloriste de quiconque a seulement des yeux. Il faut qu'il ait le courage de tremper son pinceau dans des ombres noires comme la nuit, et dans des flots de lumière qui pourraient aveugler un aigle. Comme je suppose mon jeune artiste enthousiaste, il faut qu'il aille tout droit au Niagara, où ses ailes ne pourront le supporter même dans la vallée de Mohawk. Si la fièvre est très ardentée, il peut apaiser sa soif à Trenton, et n'y songera à rien de ce qui est au-delà. Si quelque jeune aventurier suit mon avis, je lui demanderai à son retour, quand il aura gagné une somme d'argent prodigieuse par suite de mon conseil, de me donner pour récompense deux esquisses. L'une sera le lac de Canandaigua, l'autre, le petit bois d'arbres à beurre où se tenait le Sénat des Indiens. Pendant notre voyage, j'oublie quel jour, on nous montra dans la forêt, à quelque distance de la route, un endroit qu'on nous dit avoir été la scène d'une aventure véritable, mais très romanesque. Pendant la grande et terrible Révolution française, en 1792, un jeune et noble Français s'échappa de cette scène d'horreur, ayant eu beaucoup de peine à sauver sa tête, sans avoir eu la possibilité de sauver autre chose. Il arriva à New York presque dénué de tout, et après avoir passé la vie non seulement dans la splendeur, mais dans la splendeur de la cour de France, il se trouva coudoyé par la population affairée de New York, sans avoir un dollar pour écarter les atteintes de la faim. Dans une telle situation, on pouvait presque regretter la guillotine. Le jeune homme chercha du travail. Mais qui aurait voulu payer les efforts tremblants de ses mains blanches, tandis qu'on pouvait acheter les forces vigoureuses de maintes Hercule noirs? Il renonça à la vaine tentative de se procurer sa subsistance à l'aide de ses semblables, et il résolut de chercher un refuge dans la forêt. Il lui restait quelques shillings. Il acheta une hache, et il arriva sur le territoire de l'Oneida. Il abattit quelques petits arbres, et il s'en construisit un abri qui aurait fait rire Robinson Crusoe, car la pluie y pénétrait de toutes parts. Manquant de nourriture, exposé à la fureur des éléments, et n'ayant pas l'habitude du travail, l'infortuné jeune homme tomba bientôt malade et s'étendit sur une terre d'où sortaient des exhalaisons malsaines, étouffées plutôt qu'abritées par les branches desséchées qui couvraient sa tête. Il y resta, dévoré de soif, tremblant de fièvre, et n'ayant plus d'espérance sur la terre, si ce n'est celle que chaque moment de souffrance pourrait être le dernier de sa vie. Près de l'endroit qu'il avait choisi pour sa misérable retraite, mais caché par l'épaisseur de la forêt, était le dernier wigwam d'un village indien. On ignore combien de jours l'infortuné avait passé sans nourriture, mais il avait perdu connaissance quand une jeune squaw, que le hasard avait conduite de ce wigwam à sa hutte, s'en approcha et s'aperçut qu'il vivait encore, quoiqu'il fût privé de tout sentiment. Le cœur de la femme est, je crois, à peu près le même partout. La jeune fille ne s'arrêta pas à songer s'il était blanc ou rouge, mais ses pieds légers ne se reposèrent que lorsqu'elle lui apportait du lait, du rhum et des couvertures. Quand le jeune Français reprit ses sens, il avait la tête appuyée sur les genoux de sa bienfaitrice, et avec la tendresse et la douceur d'une mère, elle parvint à lui faire prendre les confortatifs qu'elle avait apportés. Il n'est point Dieu noir dans le monde, fût-il de France, d'Italie ou même d'Espagne, qui puisse exprimer plus clairement la bonté que les grands yeux un peu enfoncés d'une squaw. C'est un langage que toutes les nations peuvent comprendre, et le pauvre Français vit évidemment dans les regards inquiets de celle qui lui prodiguait ses soins qu'il ne mourrait pas abandonné. Jusque-là, l'histoire est assez romanesque, et ce qui suit ne l'est guère moins. Lascaux trouva le moyen de présenter son ami blanc à sa tribu. Il fut adopté comme un frère. Il apprit bientôt la langue de cette nation, il en prit le costume, et il s'habitua à la manière de vivre de ses nouveaux compagnons. Sa reconnaissance pour sa libératrice se changea bientôt en amour, et si la chronique dit la vérité, le noble français et la sauvage américaine se trouvèrent très heureux comme mari et femme. Ce ne fut que lorsqu'il se vit le père de plusieurs enfants, donnant de belles espérances, qu'il commença à éprouver le désir de sortir de l'état sauvage pour entrer dans le monde civilisé. Mon narrateur ne m'expliqua pas quel motif engagea le Français à se rendre à New York, mais il y alla sous le costume d'un Indien. Il y apprit que la tranquillité était rétablie dans son pays, et il espéra qu'une partie de ses grands biens pourrait lui être rendue. J'ai peut-être déjà raconté trop en détail mon histoire. Je me bornerai donc à dire que son espoir se réalisa, et que de ses enfants nombreux, les uns sont établis en France, tandis que les autres restent en Amérique. L'un d'eux est, me dit-on, homme de loi à New York. Le héros et l'héroïne de cette relation continuent à demeurer sur le territoire de l'Oneida, non dans un wigwam, mais dans une bonne maison, bien située, et où ils sont entourés de toutes les douceurs de la vie civilisée. Tel fut le récit que nous fit un de nos compagnons de diligence, et il me parut assez intéressant pour le répéter, quoique je n'ai pas de meilleure garantie à donner de sa vérité que l'assertion d'un voyageur inconnu.